l'arrivée du neveu Charles Grandet interrompt la partie de loto. Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de 22 ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, en apportant une cargaison de futilité parisienne aussi complète qu'il était possible de le faire. Tous pouvaient observer Charles à loisir, sans crainte de déplaire au maître de logis. Grandet était absorbé dans une longue lettre qu'il tenait et il avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table, sans se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Enfin, tout ce qui choquait les Cruchot et les Desgrassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix des cousins.